Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons une agréable soirée devant... Enfin, avec... Minuscule, hé. Hey. Il s'agit d'une... Oui, bah, c'est fini maintenant. Va faire ta musique. Thank you. pas un peu surmené en ce moment? Trop tard. La machine est lancée. Thank you. Thank you. happiness is a little white ball. Happiness is an empty white ball. Do you see me when I frown? Did you feel a big breakdown? All in all, I realize that is not a real surprise. Happiness is a little light bulb. Happiness is an empty white. Thank you. faire une jolie petite part de Jean Béant. Ça vous tente? C'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix. Allez! Sinon, tu ne seras jamais dans la course. Quoi? Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. On va en ce moment.